la gang est 667. Pétasse. MSDO, NRM. Bow. Bow. Équipe. Hey, hey, hey. Bow. Skip. La malade gangsta. Les bonbons sont remplis de cocaïne. Bow. Flex. Dakadine en guise de protéines. Tu connais chez nous que la 09. Si je sors le faire, c'est pas pour les meufs. Zéro blef, j'ai des gains, pousse-toi, glisse. J'ai pas le tonken, mais tu peux me laisser. On perd des cas, je me casse pendant que tu naisses. T'es mal à Kista, t'es mal à taille de la Kista. T'es mal à Kista, t'es mal à taille de la Kista. 20-20, drill 4, ils sont dépassés comme des Dreamcast. Négro, tu rap comme un 2004. Avant 30 ans, faut que je dépasse les 2004. Montclair, allemand. Mentalité allemande. Dans les pockets j'ai la quiche, t'as le lin, les antidépresseurs et les calmants. J'ai v'là en réflexe comme Allison. Négro, j'suis foncé dans le vaisseau comme Harrison. Carré New York comme le Madison. À Dakar sur la corniche comme le Radisson. Versailles pour les sandales. Fox et négro, c'est des snitch, c'est des randals. En CF alors flow fait 100 balles. Rien que je les croche, les mets dans la sauce 100 balles. Hey, nouvelle loubou, tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des piques au bout. Demi-tour, slide. Nouvelle loubou, tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des piques au bout. Demi-tour, slide. Brille vers 4, on les pique au cou. Mercedes, CLS, concurrence, BLS, BSB, 667, Black Mafia comme BMS. Négro, j'arrive long comme Dick Dat. Équipe, pop des pills comme des tic-tac. On les casse en 4 comme des Kit Kat. Les bonbons sont remplis de cocaïne. Bow, flexing. Dakadine en guise de protéines. Banks. Tu connais chez nous que la 09. Si je sors le faire, c'est pas pour les meufs. Zéro blef, j'ai des gains, pousse-toi, glisse. J'ai pas le tonken, mais tu peux me laisser. On perd des cas, je me casse pendant que tu naisses. T'es mal à Kista. T'es mal à taille de la Kista. T'es mal à Kista, t'es mal à taille de la Kista. On ne veut qu'accumuler du move. Et on est prêt à finir dans la presse. Ces bitches ils ont kiffé nos moves. C'est réciproque, arrête des jolies fesses. Sexy, wah. On donne la gova, ou l'angra et on parle. Prends ton kilo et tes grammes ou on part. Si tu veux couiller, on va te griller. Prométhazine avec la codéine. Dieu est le fer, négro, pas de protéines. Lunettes quartier comme si Grizzly. J'arrive lourd comme dit Grizzly, me faut un salaire comme si je joue chez les Grizzly. J'vois le poison, j'vois le venin. Vision trouble, mais j'vois le chemin. Tire une taffe de mon terre, tu perds tes neurones. Shenzhen Gazo, tu sais qu'on est là pour les euros, pétasse. Hey, nouvelle loubou, tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des piques au bout. Demi-tour, slide. Nouvelle loubou, tu peux pique au bout. Aperçois qu'il y a des piques au bout. Demi-tour, slide. Brille vers 4, on les pique au cou. Mercedes, CLS, concurrence, BLS, BSB, 667, Black Mafia comme BMF. Négro, j'arrive long comme Dick Dat. Équipe, pop des bills comme des tic-tac. On les casse en 4 comme des Kit Kat. J'ai pas le Tolkien, mais tu peux me laisser. Ouvre les cas, je me casse pendant que tu naisses. T'es mal à Kista, t'es mal à taille de la Kista. T'es mal à Kista, t'es mal à taille de la Kista.